L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. En partenariat avec l'association Brain Up, la maison des aidants de Nancy propose à partir du mois de juin un programme de 6 séances intitulé « Être aidant, être aidé » à destination de tout aidant dont l'aidé est âgé de 60 ans et plus. Pour parler de ce programme et bien sûr de la maison des aidants, qui mieux que Camille Lemaire pour en parler, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice donc de la maison des aidants de Nancy, une maison qui a ouverte fin 2022, on vous avait déjà accueilli justement pour en parler. Peut-être déjà un premier point sur cette première période d'ouverture, comment ça se passe? Oui. Effectivement, nous avons ouvert, comme vous le dites, en octobre 2022. Depuis l'ouverture, ça bouge beaucoup, on va dire que l'activité est exponentielle, on travaille beaucoup aussi pour se faire connaître des aidants et de tout aidant. En fait, donc qu'il soit salarié, retraité, jeune aidant et surtout quelle que soit la dépendance de son proche. Donc c'est vrai que du coup c'est très large. Donc ça peut être un aidant d'une personne âgée, très âgée ou d'une personne en situation de handicap physique ou psychique, aidant de personnes malades également. Et nous avons quelques aidants de personnes qui souffrent d'addiction. On est tous en plus à un moment donné dans notre vie susceptibles d'être aidants sur des périodes plus ou moins longues pour un proche. Donc, on voit bien qu'il y a une demande importante. Voilà, puis ça peut arriver du jour au lendemain, ça peut arriver très vite, cette situation aussi, de se retrouver comme aidant. Tout à fait. Alors, on a effectivement des personnes qui sont aidantes depuis un moment, puisqu'il y a un handicap ou il y a une dépendance qui s'installe. Mais comme vous le dites, lorsqu'il s'agit d'une maladie ou d'un accident, vraiment une rupture de vie, un accident de la vie, là, effectivement, ça arrive très vite et il faut savoir à qui on peut s'adresser, qu'est-ce qu'on peut faire pour être aidé et aider son proche. Voilà, aussi. Un premier réflexe, donc, ce serait de passer par vous, de vous appeler et vous nous orienter après, quels conseils vous apportez? Nous, effectivement, on est tous travailleurs sociaux sur la Maison des aidants et nous avons un juriste. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on accueille les aidants pour toute question qu'ils puissent avoir sur leur situation. On a des solutions en interne sur la Maison des aidants. Donc, on va les mettre en œuvre. On a une bonne connaissance de tout ce qui existe en termes de solutions pour du répit, de l'hébergement du proche à plus ou moyen long terme, des séjours répit quand on a besoin, avec ou sans son proche, de prendre un petit peu de recul, prendre soin aussi de sa santé sur le plan psychologique. On a le centre de prévention de la GIRCARCO qui a donc une psychologue et un médecin qui proposent des bilans de santé et des entretiens de soutien psychologique. On a des conseillers budgétaires si les aidants se retrouvent en difficulté sur le plan financier. Notre juriste, lui, il va plutôt être auprès des aidants qui sont tuteurs ou futurs tuteurs de leurs proches. Donc, quand la personne n'est plus en mesure, en fait, de gérer ses intérêts ou de prendre des décisions. Plein d'autres dispositifs. Et effectivement, donc, on a ces solutions en interne, mais aussi notre rôle, c'est de beaucoup informer sur tout ce qui se fait aussi à l'extérieur. Les autres partenaires. L'idée, il faut faciliter la vie de l'aidant, donc on va l'aider. Voilà. C'est une adresse, hein, la Maison des aidants, Nancy, hein, c'est au 124 rue de Newcastle. Donc, c'est sur quel quartier de Nancy? Alors, c'est le quartier Rive de Meurthe. On est situé vraiment à deux pas du cinéma Kinépolis. Voilà, alors avec un accès assez simple, parce que finalement, on n'est pas loin du centre-ville, même à pied. Et puis, il y a aussi des transports qui desservent le secteur. Et votre actualité, c'est donc ce nouveau programme qui est mis en place, Être aidant, être aidé. 6 rendez-vous au mois de juin. Expliquez-nous un peu pourquoi avoir mis en place cet partenariat avec l'association Brain Up. Oui, alors effectivement, on parlait tout à l'heure de l'aide qu'on apportait aux aidants et j'ai plutôt parlé sur un versant individuel d'accompagnement. Et on a beaucoup à cœur aussi de pouvoir proposer des actions collectives qui permettent aux aidants de se retrouver entre eux. En fait, le constat qui est fait chez les aidants, c'est que de toute façon, quand on est aidant, ça a un impact sur notre santé, puisqu'on est vraiment centré sur la personne que l'on aide et qu'on accompagne. Mais néanmoins, il faudrait pouvoir toujours réussir à prendre soin de soi. Donc, il faut du temps pour le faire. Alors, ça peut tourner autour d'une activité physique. Souvent, les aidants, ils dorment mal. Donc, il y a des problématiques de sommeil. Donc, en fait, l'association Brain Up est venue vers nous pour nous proposer ce programme de prévention santé à destination des aidants qui s'occupent d'un proche de plus de 60 ans. Et donc, l'idée, c'est de réunir plusieurs aidants qui se trouvent dans cette situation, qui se posent des questions et En fait, on veut réduire les risques. En fait, on veut réduire l'épuisement psychologique, physique, la dépression. On veut permettre aux aidants de pouvoir témoigner et d'échanger autour de leur parcours. Voilà, donc ça s'organise par une première conférence le 1er juin à 14h à la Maison des aidants de Nancy. Puis ensuite, il y a 5 autres séances qui suivent, donc tous les jeudis de juin et le premier jeudi de juillet. Ce sont des ateliers qui sont animés par deux professionnels, hein, une sophrologue et une psychologue. En fait, l'association Brain Up, elle est financée par la conférence des financeurs de la perte de l'autonomie du département. Et cette association, elle est composée de neuropsychologues, de psychomotriciens, de diététiciens, etc., qui sont vraiment fédérés autour d'un objectif commun, c'est transmettre l'envie d'être acteur de sa santé. Donc c'est vraiment le but de cette action. Voilà, des ateliers qui sont gratuits hein, sur la période du mois de juin, avec des professionnels, et puis cette occasion de rencontrer d'autres aidants et de pouvoir échanger autour de leurs problématiques du quotidien. Dans ces ateliers, on sait un peu ce qui va se passer justement, sur quoi on travaille. Par exemple, on a des ateliers sur échange des différentes situations, parce que tous les aidants n'ont pas les mêmes situations ou n'aident pas de la même manière. Ça va être sur la base de jeux, d'outils pédagogiques, qui vont vraiment favoriser une réflexion individuelle, mais en groupe. Je dis souvent que nous, on a beau être professionnels, c'est pas forcément nous qui apportons les réponses en fait aux personnes. Et c'est souvent entre elles, en communiquant, qu'elles arrivent à trouver leurs réponses ou les choses qui les apaisent ou l'astuce peut-être qui manquait au quotidien. Voilà, donc c'est aussi le but. Après, il y aura des situations, un temps d'ouverture, des réflexions sur l'évolution et le stade de la dépendance de l'aidé. Comment on peut faire quand on voit que son proche, l'état ne s'améliore pas. Voilà, c'est vraiment aborder les pertes, les difficultés, mais aussi les satisfactions, parce que il y a pas que des difficultés quand on est aidant. Voilà, ça développe aussi des compétences humaines et pas que ça. Et puis il y a aussi toute la question de la gestion des troubles du comportement chez son proche, notamment quand par exemple l'aidé a une maladie neuroévolutive. Donc tous ces rendez-vous avec le recul, le regard de ces professionnels, et puis les petits trucs des autres aidants qu'on va pouvoir échanger les uns avec les autres pour retrouver un équilibre au quotidien avec l'aidé aussi. C'est ça, tout à fait. C'est vraiment améliorer le quotidien de l'aidant pour améliorer aussi le confort de vie de l'aidé. Et il y a un travail sur l'estime de soi aussi qui est important. Pour ces ateliers, je suppose qu'il y a des places limitées, il faut s'inscrire, comment ça se passe? Alors effectivement, on est limité à une dizaine de personnes. C'est gratuit, comme on le disait tout à l'heure, mais il y a effectivement le besoin de s'inscrire pour qu'on puisse gérer les groupes. Et en fait, l'idéal, c'est d'être présent sur tout le cycle, parce que ça a tout son sens en fait, de suivre toutes les séances. C'est un engagement également. Tout à fait. Alors, on peut vous appeler, il y a un numéro de verre gratuit pour contacter la Maison des aidants, c'est le 0809 54 10 10. Donc ça, c'est un numéro vert. Il y a aussi un mail, c'est aidant54@udaf54.com. ça, c'est pour vous contacter facilement. Il y a un site internet également, j'imagine. Tout à fait, la maison des aidants nancy.fr. ouais. Et vous aurez d'autres rendez-vous si le mois de juin c'est peut-être trop proche pour s'organiser et participer à ces ateliers? Vous proposerez peut-être à l'avenir d'autres cycles comme ça? Alors effectivement, nous avons un cycle qui aura lieu également avec Brain Up au mois de novembre sur le même format. La thématique sera vivre ses émotions en situation de stress. Et là, par contre, ça s'adressera à toute personne aidante de 60 ans et plus. Alors que notre programme actuel s'adresse à tout aidant, mais il faut que son aidé ait au moins 60 ans. Voilà, donc ça, c'est un peu ciblé. Mais on n'hésite pas à vous contacter. Quel peut-être dernier message vous pourriez faire passer aux personnes qui sont parfois en situation d'être aidant et qui n'osent pas forcément aller prendre des informations auprès de vous? Alors, le message, c'est que nous, c'est très ouvert. À partir du moment où on franchit, je dirais, la porte de la maison des aidants, on peut ne la franchir qu'une fois. On ne retient personne de force. Et voilà, on peut venir nous consulter n'importe quand. C'est vraiment de la libre adhésion. Et puis surtout, on sait, nous, puisqu'on est professionnels, que c'est toujours le premier pas qui est le plus difficile à franchir. Et que, voilà, une fois qu'il est fait, ça permet quand même d'avoir des informations, les bonnes informations, et de se sentir moins seul, et puis d'anticiper aussi la situation. La maison des aidants, 124 rue de Newcastle à Nancy, et le numéro vert, je le redonne une dernière fois, c'est le 0809 54 10 10. Merci beaucoup Camille Lemaire. Merci pour votre accueil. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 0383 35 22 62.